sauter sur son passage. Sumatra n'a plus qu'à tourner la page. Elle tire un trait sur le passé. Elle s'est pas gênée pour tout saccager. Combien d'entre eux se retrouvent sans abri? Combien d'entre eux ont perdu famille, amis? A-t-elle quelque chose contre les pauvres gens? Les plus démunis s'en prennent toujours plein les dents. Les plus démunis s'en prennent toujours plein les dents. Les plus démunis s'en prennent toujours plein les dents. C'est pas le guignol qui se prend pour le sauveur du monde, qui bougera le petit doigt pour éponger cette flaque qui monte. Il préfère se prélasser au Texas dans son ranch, pendant que d'autres habitent maintenant sur des planches. Faut dire qu'il a pas l'air con, quand il s'agit de faire la guerre, il dit pas non. Mais quand la nature s'en prend aux mortels, le monde a beau trembler, il rattrape à Noël. Le monde a beau trembler, il rattrape à Noël. Le monde a beau trembler, il rattrape à Noël. Les vacanciers d'Europe ou d'ailleurs séjournent au bord des rivages enchanteurs. Les tsunamis emportent leur voyage si charmant au cœur des enfers terrifiants. Les habitants des villes et des villages s'écroulent devant un tel carnage, voyant tous ces cadavres s'échouer au bord des gravats de leur cité. Au bord des gravats de leur cité. Au bord des gravats de leur cité. Que peut-on faire contre la nature? Elle est si belle, elle est pourtant si dure. Elle nous apaise par ses doux paysages, mais se déchaîne en répandant sa rage. L'énorme vague s'est enfin calmée, mais la plaie de la terre n'est pas fermée. La sève des hommes continuera de s'écouler, tant que le sang du monde jaillira sous nos pieds. Tant que le sang du monde jaillira sous nos pieds. Tant que le sang du monde jaillira.